condamné à mort. Je t'aime malgré mes torts. Si tu me juges et condamnes sans remords, à nouveau j'aimerais essayer encore. Et sa douleur.